la basse. You want to play? Tu veux peut-être jouer, c'est français. Français? I once knew the day that I spent.